Mercredi le 6 juillet, ici Dominique Lelièvre et les informations. D'abord, la Ville de Québec veut l'avis des citoyens concernant l'accès aux rivières sur son territoire. Elle entame une série de consultations publiques pour encadrer le développement des berges. Une première rencontre sera tenue vendredi au centre de plein air Beauport pour discuter de la rivière Montmorency. Des rencontres similaires se tiendront au cours de l'été pour les rivières Saint-Charles, Duberger, Ducap-Rouge et Beauport. La Ville promet des ateliers ludiques pour recueillir les souhaits et commentaires des citoyens. À terme, elle veut augmenter les offres récréatives, protéger les milieux sensibles et mettre en valeur le patrimoine près des rivières. Les citoyens peuvent obtenir plus d'informations au ville.quebec.qc.ca/rivière. Et à Lac-Mégantic, c'est jour de commémoration, 3 ans jour pour jour après l'accident ferroviaire. Le clocher de l'église de la municipalité a résonné 47 fois ce midi en la mémoire des victimes de la tragédie. Et malgré le temps qui passe, les plaies de la ville estrienne sont loin d'être guéries. Le secteur Frontenac, l'ancien centre-ville de Lac-Mégantic, est encore un grand carré de terre, mais les premières constructions sont en cours après une longue période de décontamination. Par ailleurs, une coalition citoyenne continue de réclamer une voie de contournement pour la communauté. Si le pétrole est banni des rails de Lac-Mégantic pour encore un an, un train passe toujours quotidiennement au centre-ville avec des citernes remplies de produits dangereux. À Québec, la fin du Ramadan a été célébrée par plus d'un millier de musulmans réunis au stade TELUS de l'Université Laval. C'est l'une des journées les plus importantes de l'année pour cette communauté. La célébration survient après un jeûne d'un mois au cours duquel les fidèles ont évité de manger et de boire du matin au soir. Le ministre fédéral Jean-Yves Duclos était présent matinée pour signifier que le Canada est un pays inclusif et accueillant. Enfin, les organisateurs du festival d'été mettent la touche finale à leurs installations une journée avant le coup d'envoi. Beaucoup d'efforts sont mis cette année pour permettre d'accueillir plus de spectateurs et rendre l'expérience plus agréable. Sur les plaines, une estrade géante de 2000 places est érigée. La régie prend moins de place et l'arbre mal aimé des plaines qui gênait la vue de plusieurs festivaliers année après année, eh bien, a été retiré. Et c'est des efforts similaires que l'on constate au Parc de la Francophonie où, par les années passées, le site a parfois affiché complet. Le parc pourra désormais accueillir 3000 spectateurs de plus puisqu'il déborde désormais sur la rue Saint-Amable. Mentionnons enfin que le festival d'été a annoncé avoir mis en vente de nouveaux laissez-passer après en avoir écoulé plus de 125 000. Pour CKRL, c'était Dominique Lelièvre et les actualités.